De nouveau, bonsoir Jean-Pierre Calfon. Bonsoir Alban. Nous nous retrouvons pour la suite de votre nuit rêvée sur France Culture. Comme ils le sont dans votre vie, seront mêlés dans cette deuxième partie cinéma, théâtre et musique. Et c'est avec le cinéma que nous commencerons. Quel regard portez-vous sur votre parcours cinématographique ? Écoutez, j'ai pas l'habitude de regarder en arrière, je ne porte pas de regard. Je pense que j'aurais pu beaucoup mieux faire. J'ai refusé beaucoup de choses parce que comme je voulais faire de la musique... En fait, quand j'étais jeune, je voulais faire de la musique. Je n'ai pas fait de la musique parce que j'ai fugué. Et que quand on est en fugue et dans la rue, qu'on dort chez les copains à droite à gauche, on fait pas de la musique, comme ça on n'apprend rien. Donc j'ai fait acteur parce que c'est quand même quelque chose de très passionnant. Et c'est quelque chose qui vous éduque, en plus qui vous apprend beaucoup de choses. Et c'est une chose qu'on fait avec sa tête, son corps, son cœur. Donc voilà, je suis parti là-dedans. Après, dès que j'ai eu trois ronds, grâce au cinéma et tout ça, je me suis acheté des instruments de musique et je me suis mis à apprendre d'abord à jouer de la batterie, en plus après de la guitare, puis et aussi à chanter. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'avais pas les bases. Donc, ce qui fait qu'à cause de ça, j'ai refusé pas mal de films, pas beaucoup de tournages. J'aurais pu faire une grosse carrière si j'avais été carriériste, si j'avais eu une certaine constance vis-à-vis de ce métier. Mais étant donné que j'ai une tête de mule et qu'il faut que je fasse ce dont j'ai envie, dans la vie, ça passe avant tout. Mais j'ai quand même fait des films merveilleux avec des réalisateurs fabuleux. Des artistes, des grands artistes. J'ai eu cette chance de rencontrer des gens comme Godard, Rivette, Truffaut, Lelouch, Grenier de Fer, Henri Verneuil. Des gens. J'ai tourné dans les productions Walt Disney, j'ai tourné aussi les productions américaines en Allemagne, j'ai tourné aussi avec Jean-Daniel Paulet au Brésil, j'ai tourné aux États-Unis avec Jean-Louis Richard, on a tourné le Déclic. J'ai quand même fait ces rencontres et des gens m'ont tendu la main et m'ont donné, une crédibilité. Voilà, ils m'ont offert une crédibilité d'acteur que je ne pensais pas avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque je me trouvais toujours quand même un peu comme un imposteur dans le métier d'acteur. Il y a des films dont on parle peu, mais qui ont été importants pour vous, comme Une fille et des fusils, Lelouch, ou Les Gauloises bleues de Cournot. Ah, magnifique film de Michel Cournot. Très, un grand poète, une grande réalisation. Un film qui est passé à l'as. Il représentait la France, vous voyez, pour vous dire quand même la qualité qu'il avait été reconnu par la profession. Il devait représenter la France en mai 68. Or, en mai 68, les producteurs de ce film et du Festival de Cannes ont bombé l'écran, ce qui fait que le festival n'a pas eu lieu. Voilà. L'année où j'avais un film qui représentait la France à Cannes. C'est comme ça que ça s'est passé, et si vous voulez, c'est un destin, c'est comme ça. On se la raconte pas, c'est comme ça. Vous avez vous-même réalisé un long métrage avec Aude Bitton, Le coup du singe, en 1978. Qu'est-ce que c'était ? J'étais un peu, si vous voulez, j'étais quand même pas mal accroché dans les substances, comme on dit, pour employer une périphrase, comme on dit, c'est ça. J'ai réussi à m'en sortir. Et ce film a été pour moi l'occasion de parler de tout ça, sans en parler, de montrer une espèce de libération, quelqu'un qui se libère, qui a perdu contact avec la réalité et qui va la retrouver parce qu'il se libère. Il se libère de ses chaînes, les chaînes qu'il s'est lui-même mises aux pieds et dans la tête. Donc voilà, c'était un peu ça le film qu'on a réalisé avec Aude Bitton. Il a disparu de la circulation, malheureusement, il a été perdu. Et surtout, je pense qu'on pourra peut-être retrouver les images, mais je sais que la bande-son a été complètement détériorée, quoi. C'est bien dommage, parce que c'est ma seule réalisation. Il y a quelqu'un d'important qui vous a aidé à vous libérer de ces chaînes dont vous venez de parler, Jean Babilet. On l'écoute. Le premier concours que j'ai passé, j'en ai passé un, j'en ai pas passé deux. Les autres, je faisais semblant d'être malade. Je venais d'entrer à l'opéra pratiquement, et j'avais jamais fait de danse. J'avais fait du patin à glace, du ski, plein de choses. Et donc, le premier cours de Rico à l'opéra, il y avait des garçons qui étaient là depuis 3 ans, Roland Petit, des gens comme ça. Et bon, je savais rien faire, alors j'ai fait le premier cours, et ensuite du trajet du studio où on avait répété jusqu'à la loge, c'était un long couloir, et tout le monde dit oh, « qu'est-ce qu'il fout là, celui-là, il sait rien faire !» Alors j'étais humilié. En arrivant dans la loge de tous les garçons, là, c'était une loge au 7e étage, qui donnait au-dessus du commissariat de police qui est en bas. J'ai ouvert la fenêtre, j'ai posé mes mains sur le rebord de la fenêtre et j'ai monté les pieds au-dessus. Je me suis tenu sur les mains, je suis resté pas très longtemps, je suis resté 20 secondes, genre. Et je suis descendu, et tout le monde était complètement stoppé avec des... Ils étaient bloqués avec des airs de peur. Alors je les ai regardés, ils sont plus jamais moqués de moi après ça. Nous venons d'entendre Jean Babilet dans Hors Champ au micro de Laure Adler en 2011. Pourquoi teniez-vous à entendre la voix de Jean Babilet, Jean-Pierre Calfon ? Parce que c'est lui qui m'a aidé à sortir le piège dans lequel je m'étais moi-même enfermé. Et en plus, vous parliez tout à l'heure du film Le Coup du Singe, il est venu et il a participé à ce film. Enfin, il a participé, il était motard et j'avais besoin d'une équipe de motards à l'intérieur du film. Donc il a participé à ce film. Discrètement, il voulait même pas être cité d'ailleurs. Il m'a dit non, ne me cite pas. Je viens comme ça pour te faire plaisir. Et voilà, c'est Aude Biton justement qui me l'avait présenté. Et puis on a même failli jouer une pièce que lui voulait monter. Je sais pas pourquoi ça ne s'est pas fait. Je n'en ai pas le souvenir. C'était une pièce où je jouais un revolver. C'est à peu près ce dont je me souviens. Je crois que c'est peut-être une pièce d'Hermine Caragueuse qui était sa compagne à ce moment-là. Enfin, là, peut-être que je fabule ou je mélange un peu tout, mais je crois pas. Non. Jean Babilet, immense danseur, résistant, dont vous dites qu'il était un homme merveilleux. Ben, vous avez entendu ce qu'il a dit. Je veux dire, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Il a voulu se prouver à lui-même et prouver aux autres qu'il n'était pas ce qu'il pensait. Et c'est-à-dire que c'est un vrai. D'ailleurs, quand on le voit danser, il a dansé Le Jeune Homme et la Mort d'un ballet de Cocteau, mis en scène, réalisé, chorégraphié par Roland Petit, filmé par je ne sais pas qui, peut-être par Cocteau, non, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, il y a un film là-dessus où il danse avec Nathalie Philippard, qui était sa compagne à l'époque. Et quand vous voyez une espèce de rebelle, vous voyez, il a la mèche à la Elvis, comme ça, dans les yeux, il est d'une beauté fulgurante, et c'est un grand personnage, quoi, qu'on voit, comme ça, on sent tout de suite qu'on a affaire à quelqu'un d'exceptionnel, parce que la façon dont il bouge, la façon dont il danse, c'est en effet pas classique, c'est pas conventionnel, je comprends ce qu'il dit quand il dit qu'il connaissait rien à la danse au départ, et il a dansé comme quelqu'un qui a envie de danser, pas comme quelqu'un qui apprend la danse pour faire le danseur étoile ou je sais pas quoi. Il a dansé... Animé par le désir de danser, voilà, avant tout. Animé par le désir de la poésie qu'il peut y avoir dans la danse. Rétrospectivement, Jean-Pierre Calfon, cette consommation dangereuse de produits illicites, la regrettez-vous ? Est-ce que vous vous dites que c'était une connerie ou alors c'est comme ça, c'est moi, c'est mon histoire ? Et peut-être que ça faisait partie à cette époque de l'histoire qu'il fallait vivre. Est-ce que tout cela aurait pu mal finir ? Tout ça aurait pu mal finir. C'est une connerie de l'avoir fait, mais en même temps, c'est comme ça. Voilà, ça fait partie de ma vie, je l'ai fait. Je suis passé là-dedans, je suis passé au travers, j'ai de la chance, je m'en suis sorti. Il y en a d'autres qui s'en sont pas sortis, beaucoup de mes amis, enfin beaucoup d'amis autour de moi sont morts, ils ont disparu. ils se sont fait bouffer par tout ça. Moi, j'ai de la chance de m'en sortir, donc je peux pas dire que c'était une bonne chose de passer par là, mais c'était l'époque, on était une génération, on déteignait les uns sur les autres, on faisait les uns comme les autres. Voilà, c'est ça, c'est qu'on déteignait, on se polycopiait. Johnny Guitar appelle Costa Berlin, répondez. Oui, Costa Berlin, je vous entends, Johnny Guitar, à vous. Ici, Costa Berlin, je vous entends, Johnny Guitar, à vous. Je me propose, sans être ému, de déclamer à grande voix la strophe sérieuse et froide que vous allez entendre. Vous, faites attention à ce qu'elle contient et gardez-vous de l'impression pénible qu'elle ne manquera pas de laisser comme une flétrissure dans vos imaginations troublées. Ne croyez pas que je sois sur le point de mourir, car la vieillesse n'est pas collée à mon front. Écartez en conséquence toute idée de comparaison avec le signe au moment où son existence s'envole. Et ne voyez devant vous qu'un monstre dont je suis heureux que vous ne puissiez d'apercevoir la figure, mais elle est moins horrible que son âme. Cependant, je ne suis pas un criminel. Assez sur ce sujet. Vieil océan, à ton premier aspect, un souffle prolongé de tristesse qu'on croirait être le murmure de ta brise suave passe. Nous écoutons un extrait de Weekend de Jean-Luc Godard. Vous jouez de la batterie en déclamant du Lautréamont, ce qui n'est pas simple. Vous tenez le rôle du chef du Front de Libération de la Seine-et-Oise. Qu'a représenté pour vous cette rencontre avec Godard, Jean-Pierre Calfon ? Une pure merveille. Godard est un grand poète du cinéma. Ce film est un film magnifique. Weekend, c'est l'histoire de gens qui partent en week-end et qui sont pris dans une, dans un embouteillage à la sortie de la ville, comme ça. Et il y a le plus grand travelling qui a été fait, je crois, au monde, ou en tout cas en France, parce que il y a un travelling qui passe d'une voiture à l'autre, comme ça, sur des kilomètres. Et dans chaque voiture, il y a une action qui se passe. Il y a des gens qui s'engueulent, il y a des gens qui mangent, il y a des gens qui font l'amour, il y a des gens qui se tapent dessus, il y a toujours quelque chose qui passe, c'est énorme. Et c'est sur la consommation du week-end, quoi. C'est un film sur la consommation du week-end. Et Godard a des demandes comme ça auxquelles on peut pas résister, parce que c'est ce qu'il vous demande, c'est autre chose, c'est comme avec Marco, c'est autre chose que d'être acteur, et c'est de pouvoir vous transposer, vous transfigurer dans un personnage qui n'existe pas, dans des choses qui n'existent pas. Dire un autre du Lautréamont tout en jouant de la batterie, c'est une gageure, et en même temps, c'est, vous voyez ce que je veux dire, c'est une merveille pour moi qu'on m'ait demandé de faire ça, parce que c'est lui qui m'a demandé de faire ça. Il savait que je jouais de la batterie à l'époque, et il a eu envie que je dise ce texte de Lautréamont. Excusez-moi, mais je trouve que ça a de la gueule, quoi, l'histoire. Weekend, c'est 67. Avec Godard, vous auriez pu continuer. Ensuite, il avait un projet pour vous, mais 68 est arrivé, encore 68. Et il a ensuite pris une voie politique radicale. Tout à fait. On devait faire... Et on avait commencé à travailler sur le journal d'un séducteur de Kierkegaard. Il avait de très jolies idées. Il nous avait exposé ça à Anne Wiesemski et moi. Anne Wiesemski devant jouer qui était son épouse, devant jouer le personnage féminin, moi le masculin et non pas le contraire. d'un seul coup est arrivé mai 68. En effet, j'ai beaucoup regretté parce que ça aurait été un film assez étonnant. Dans le roman, le personnage communique par lettres, par truc, et lui il avait des idées de vidéo, il communiquait par vidéo, par cassette audio, tout ça. Il y avait tout un truc qui était comme, si vous voulez, la peinture est un art dans lequel les choses se transfigurent. Et ben là, avec Godard lui-même, il transfigure les choses. il raconte pas une histoire. Ça raconte des histoires, oui, c'est sûr, mais ça n'est pas l'obsession n'est pas là. Elle est moment après moment. Il y a plusieurs films dans le même film. C'est moment après moment. Les choses vivent comme ça. Il veut pas se contenter d'un récit. Il veut colorer l'histoire. D'ailleurs, ce film récent, voilà, c'est tout. Et en plus, après, il m'a fait un cadeau merveilleux. C'est qu'il m'a tourné un film qui s'appelait One Plus One avec les Rolling Stones, qui enregistrait Sympathy for the Devil. Et il m'a emmené en avion privé avec lui et son équipe pour voir les Rolling Stones dans le studio en train d'enregistrer ce titre-là. Voilà. Ça, c'est quand même un cadeau extraordinaire. Et en plus, il s'est passé une chose, ils enregistrent Sympathy for the Devil, Sympathie pour le Diable, et le studio a pris feu. Le plafond nous tombait dessus, on a été obligés de tous sortir, les musiciens ont pris leurs instruments, les techniciens du son ont pris les bandes, les techniciens de la caméra ont pris la caméra, les trucs, on est tous sortis, on s'est retrouvés sur le trottoir à regarder le studio brûler, le temps que les pompiers arrivent, on n'a jamais pu retourner dans le studio ce soir-là. C'était le Olympic Studio à Londres. Cinématographiquement, est-ce que ce n'est pas Philippe Garrel, son cinéma, qui est le plus proche de ce qu'ont été pour vous et pour Pierre Clémenti peut-être aussi, ces années autour de 68, un 68 plus poétique, plus utopique et plus rock'n'roll que strictement politique? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, c'est un cinéma de l'imaginaire, c'est un imaginaire qui se refuse à expliquer les choses et qui marche par suggestion. Et ça, c'est quand même la beauté du cinéma et du théâtre. Quand j'ai joué aussi, par exemple, une pièce de Pinter, vous voyez, ça aussi, c'est avec Jacques Dufilot, qui est un énorme acteur fabuleux, de quel j'ai beaucoup appris, alors qu'il m'a pas donné de leçons, mais simplement de le voir et de le regarder jouer. C'est comme quand j'étais jeune, j'ai joué aussi un peu quelques petits personnages, un peu de figuration et quelques bricoles chez Roger Planchon, quand il avait monté Henri IV de Shakespeare et les Trois Mousquetaires. Il y avait un acteur fabuleux qui s'appelait Jean Bouise, que je passais mon temps à regarder, et tellement je le trouvais fabuleux, parce que c'était un grand mec tout maigre, et il jouait Falstaff, et il se mettait une espèce de baudruche autour du corps et tout, et un peu de maquillage et tout, il devenait énorme, et on ne doutait pas qu'il était énorme. Donc c'est, lui aussi, il se transposait totalement, il était... C'est jouer ailleurs, quoi, c'est ailleurs. Tu me gardes près de toi. Quoi? Pourquoi tu te débarrasses pas de moi? C'est facile puisque je suis folle. Pourquoi tu dis ça? Hein? Tu sais, Sébastien, j'ai bien réfléchi. Le mieux, c'est qu'on se sépare. Peut-être seulement quelques semaines, le temps de réfléchir chacun de notre côté. Peut-être qu'après on pourra revenir comme avant. Peut-être. Peut-être. Tu crois que c'est nécessaire? Sébastien, je vais partir. Je vais partir demain matin. Faut pas t'inquiéter pour moi, tu sais, je t'assure. C'est la seule chose à faire. Il le faut. Il le faut. Je veux pas. Nous venons d'entendre un extrait de la scène de rupture dans L'amour fou de Jacques Rivette, un film de 1968, dans lequel vous donniez la réplique à Bulogier, Jean-Pierre Quelfond. Le programme d'archives de cette deuxième partie de votre nuit rêvée s'ouvrira par un entretien avec Jacques Rivette, mais à propos de la religieuse à Cannes en 1966, car malheureusement, nous n'avons rien trouvé dans nos tiroirs qui concerne L'amour fou. 50 ans après, que représente L'amour fou pour vous, personnellement, intimement ? Intimement, c'est un film, si vous voulez, où il fallait s'investir totalement. Il y avait en fait, c'est un film qui dure 4 heures et quart. Il y avait au départ un scénario de 7 pages. C'était pas un scénario d'ailleurs, c'était une sorte de synopsis avec des séquences qui montraient la progression du film. Et dans ces séquences, tous les matins, on arrivait, on nous disait voilà, on en est là. Et voilà la scène que je voudrais que vous fassiez. Et qu'est-ce que vous diriez? Il fallait qu'on crée nos dialogues et tout ça. On devenait trop créateur. En plus, il a dépassé le cinéma conventionnel en faisant un film de 4 heures et quart. Alors bon, il y a des choses que moi j'aurais bien vu disparaître dans le film qui sont gardées. Finalement, je finis par comprendre pourquoi il voulait garder tout ça. C'est-à-dire que c'est comme dans la vie, il y a des choses qu'on réussit, il y a des choses qu'on réussit pas. Ce film-là a marqué une rupture avec le récit, à sa façon, avec le récit conventionnel, parce que c'était, on rentrait petit à petit dans l'univers des gens. En plus, à l'intérieur de ce film, il m'avait demandé de monter la pièce Andromaque de Racine avec des acteurs. Donc, j'avais une totale liberté pour faire une mise en scène. Quand je regarde le film, je trouve pas que j'ai été très habile au point de vue comme metteur en scène. Vous voyez, alors ça, je trouve que je cherchais un truc sur un registre intimiste et finalement, plutôt que de faire intimiste, au résultat, ça donne quelque chose, comme j'ai revu il y a pas longtemps pour la rétrospective, ça donne quelque chose que je trouve plutôt genre intellectuel, quoi. Vous voyez, c'est... Mais peut-être si on avait été jusqu'au bout et qu'on avait joué le truc, j'aurais peut-être abouti à quelque chose de plus sensible pour le moment, mais ce n'est pas moi qui avais choisi de monter Andromaque. Je n'aurais jamais choisi de monter Andromaque. Je ne me sentais pas spécialement compétent pour monter quelque chose de classique, n'ayant pas de formation classique. C'était un peu étrange pour moi de lancer un nom, mais en même temps c'est intéressant de faire quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on n'a pas l'habitude. Ce qui m'avait plu aussi, c'était de choisir deux noirs pour jouer Andromaque et sa suivante. Alors j'avais dû passer un examen devant le producteur qui pensait que j'avais des idées pourries derrière la tête, peut-être en prenant ces deux noirs. Ben moi non, il a compris quand je lui ai expliqué que moi, ce que je voulais montrer par là, c'était un truc purement cinématographique, c'est-à-dire que deux noirs au milieu des blancs, on voit tout de suite que ce sont les prisonnières. Elles sont pas de la même tribu, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'était tout de suite perceptible au cinéma, dans un film en noir et blanc. Là, il y avait des noirs et des blancs. Sébastien, dans L'amour fou en 68, est-ce que c'était vous? Est-ce qu'il ressemblait au Jean-Pierre Quelfond de cette époque? Oh, il doit y avoir quelque chose, oui, il doit bien y avoir quelque chose, puisque de toute façon, il nous demandait d'écrire nos dialogues par rapport à la scène qu'il voulait. Donc, à partir du moment où vous écrivez les dialogues, ce sont des choses qui viennent de vous et de votre propre sentiment. Hein. Donc, c'est une façon de se révéler, même si on ne le sait pas, même si on ne pense pas se révéler, ça révèle certainement des choses intimes. Oui. Des Alexandrins de Racine dans L'amour fou à la suite de votre programme. La transition sera facile puisque c'est avec deux monuments du théâtre que se poursuivra votre nuit, Roger Blin et Alain Cuny. Jean-Pierre Quelfond, on doit vous être reconnaissant de nous avoir donné l'occasion d'entendre la magnifique série de 5 entretiens qu'accordait Alain Cuny à Fernand Schumann en 1975. Nous diffusons le premier cette nuit et les 4 suivants toutes les nuits de cette semaine. Vous avez écouté ces 5 entretiens. Entendre Cuny, entendre cette voix, raconter son enfance, son métier, ses fêlures, parler de Claudel, ce n'est pas rien. Ah ben non, c'est un personnage hors norme. Alain Quigny est un personnage hors norme, donc moi j'ai eu la chance de travailler un peu avec lui à l'école du Lin, de passer des scènes devant lui, mais comme je vous dis, j'étais pas très performant puisque je savais pas très bien ce que je faisais sur cette scène. Mais j'ai tourné aussi avec lui dans la chanson de Roland de Franck Cassanti, et là j'ai eu la chance de le connaître d'un peu plus près, voilà. Oui, puisque dans votre livre, vous parlez d'un pétard pour le visiteur du soir, je crois. Oui, il voulait absolument... On faisait des pétards avec Pierre Clémenti, et il nous avait vu faire, et il voulait absolument essayer de goûter ça. Jean-Pierre, j'aimerais tellement m'adonner au hachis. Vous savez, avec cette voix extraordinaire qu'il avait. Alors on lui dit, bah, bien sûr, avec Pierre, on lui a dit... Parce que Pierre était aussi dans ce film, Pierre Clémenti. Donc il n'y a pas de souci. Alain, on va vous en faire un. Alors on lui a fait un pétard un soir, à l'hôtel. Le problème, c'est qu'il n'avait jamais fumé et qu'il n'avalait pas la fumée, donc ça ne pouvait pas lui faire grand-chose. Donc il a abandonné immédiatement l'histoire. Le français d'Alain Quigny, donc, que nous écouterons dans cet entretien, c'est une vraie jouissance d'entendre aujourd'hui quelqu'un parler de cette manière, parler et penser. Oui, parler parce qu'il est précis dans ce qu'il dit, dans ce qu'il présente, la façon dont il présente les choses. Il est très humble en même temps. Il a beaucoup d'humilité. Il est pas du tout. Vous voyez ce grand gaillard extraordinaire avec. C'est une vraie force de la nature. Ce mec, il est, je sais pas combien, 85, 90, balèze comme tout, à 75 ans à cheval dans les chansons de Roland avec en armure et tout. C'est quand même une espèce de belle énergumène, quoi. C'est un être spécial. Et l'entendre parler comme ça avec cette réserve, cette presque timidité, je dirais, c'est magique. C'est un autre aspect de sa personnalité, quoi. Autre monument du théâtre à votre programme, Roger Blin. Nous l'écouterons au micro de Jean Paget dans Sept fauteuils d'avant-garde en 1967. Pour vous, le nom de Blin est lié à Shakespeare, c'était en 1972, Macbeth avec lui, c'est un bon ou un mauvais souvenir ? Un très bon souvenir, et avec beaucoup de difficultés pour moi de jouer ce rôle, parce que, comme je vous ai dit, j'étais pas très cultivé, donc j'étais un peu trop impressionné par Shakespeare. Et puis ça faisait un moment que vous n'aviez pas mis les pieds sur les planches, je crois, aussi. Oui, mais enfin ça, c'est comme la bicyclette, ça se perd pas. Et j'avais joué au cinéma, j'avais joué de la musique, là. Jouer, c'est jouer. Il faut s'investir dans ce qu'on fait. Le problème, c'est que j'étais un peu trop impressionné avec Shakespeare, je me disais, oh là là. Et puis, ma Lady Macbeth était Emmanuelle Rivin. Et je l'ai vue, elle, se jeter à corps perdu dans le truc sans se poser de questions. Et d'un seul coup, ça a déclenché quelque chose en moi. Je me suis dit, mais voilà, il n'y a qu'à faire comme elle. Je ne vais pas jouer son rôle, mais je vais jouer le mien, et je vais y aller comme il y va. C'est-à-dire sans discuter, sans juste faire, y aller. Voilà. Ça m'a appris quelque chose de formidable. Et Roger Blin m'a poussé là-dedans aussi. En plus, vous lui aviez fait part de vos interrogations à Roger Blin. Oui. Oui, je lui avais dit, j'ai des problèmes avec Shakespeare, je comprends pas. Il me dit, moi non plus, je comprends pas. Et je vois que ce qu'il voulait me dire, c'est que c'était quelque chose qu'on n'a pas à comprendre. C'est ça qu'il voulait m'exprimer, je sais, maintenant. Et puis j'ai appris, quelques temps plus tard, j'ai compris que c'était ça qu'il voulait me dire quand il disait que lui non plus, il n'avait pas compris. Il n'y a rien à comprendre, il y a à voir. Shakespeare vous donne une nourriture, il faut la manger. Le nom de Roger Blin est indéfectiblement lié à celui de Beckett, qu'il a révélé. On vous imagine bien chez Beckett. Est-ce que c'est un auteur que vous avez joué ou que vous auriez voulu jouer ? Oui, je voudrais bien jouer un jour. J'ai un grand ami qui a joué des choses de Beckett, Serge Merlin. Le Dépeupleur, il a joué, c'est un truc absolument hallucinant. Et vous, pas encore, donc ? Pas encore, non, on sait jamais, ça pourrait arriver que quelqu'un... J'ai un projet d'un... Mais enfin, je veux pas en parler, parce que les projets, c'est... Du côté du théâtre, est-ce que vous avez le regret, même si vous les avez joués, de ne pas être allé davantage du côté des grands textes, des grands auteurs ? Je voudrais bien rejouer Shakespeare, oui. Je voudrais bien, parce que maintenant je suis prêt, je suis disposé à ça. Je sais ce qu'il faut faire. Et je pourrais d'entrée de jeu. J'aurais pas besoin de l'attendre pour me lancer dans l'entreprise, quoi. Je serais tout de suite dedans. Les grands textes, j'ai joué les grands textes, hein, j'en ai joué. Marco, ce sont des grands textes. Pinter, le gardien avec Jacques Dufilho extraordinaire, mise en scène de George Wilson. J'ai joué quand même une fois dans le Cid de Corneille, monté par Tania Balachova avec Catherine Sellers et Pierre Tabar qui jouait le Cid, Catherine Sellers qui jouait Chimène. Ça, avec Tania Balachova, c'est quand même aussi une grande figure du théâtre. Donc, je peux pas tout faire, vous voyez, je fais de la musique, je fais du théâtre, je fais du cinéma, j'ai fait de la télé. Je suis pris par tous ces trucs-là. Et moi, je vais aussi où, quand on vient me chercher, j'essaye de répondre si ça m'intéresse. J'essaie de répondre à ceux qui ont envie de travailler avec moi, parce que c'est par l'envie qu'on fait des choses bien ensemble. Vous voyez, il faut avoir envie de travailler ensemble avec les gens. Après Roger Blin et Alain Cuny, comédiens des avant-gardes, des grands classiques, des auteurs entre guillemets difficiles, c'est avec des stars planétaires et en musique que se terminera votre programme d'archives. My darling, I've hungered for your touch a long, lonely time goes by so slowly, and time can do so much for you. Still mine, I need your love, I need your love, God speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. For my love, my darling, I've hungered for. Elvis Presley, Jean-Pierre Calfon. La beauté, on ne peut pas dire autre chose, la beauté physique et la beauté morale, c'est-à-dire une âme. Quand on entend cette chanson, c'est l'âme qui passe avant tout, quoi. Et d'ailleurs, même jeune, il a fait beaucoup de rock, c'était le voyou rock, c'était magnifique, il y avait l'âme du voyou, et il a aussi chanté beaucoup de gospel. Moi j'ai tout un disque de gospel de lui, il n'a pas attendu de vieillir pour chanter. Mais alors ça, cette chanson-là, 2 mois après, il meurt, quoi. Il est énorme, mais il est en pleine possession encore de ses moyens, et il a... Et sa voix devient de plus en plus belle. Ah ouais, elle a toujours été belle, hein, de toute façon, alors c'est pas une surprise. Mais là, il maîtrise, parce que c'est une chanson incroyable aussi, hein, je veux dire, c'est une mélodie incroyable. Unchained melody, c'est-à-dire que déchaînée, quoi. Ça aurait pu être avec Presley, mais c'est avec la diva des divas, Maria Callas, que se poursuivra votre programme. Maria Callas, donc, dans un montage d'entretien des années 60-70. Pourquoi ce choix pour le mythe Callas ou par amour de l'opéra et de cette voix en particulier, Jean-Pierre Calfon? Pour l'amour de voix, des voix féminines, oui. Callas en est un exemple, il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Il y en a des jeunes maintenant qui ont beaucoup de talent aussi. Mais Maria Callas, évidemment, elle a dépoussiéré toute l'histoire aussi. C'est ça. Alors il faut quand même jamais l'oublier, je trouve. Et c'est une émotion extraordinaire qu'elle dégage. Comme quand Elvis chante une telle mélodie, elle est dans un autre registre, elle vous donne des frissons, quoi. C'est ça, c'est les gens qui vous donnent des frissons. Vous me demandez tout à l'heure si j'aurais aimé être une idole yéyé ou une machin comme ça, pas du tout. Moi, mon truc, c'est toujours été de chercher quelque chose derrière les mots, derrière la musique, quelque chose qui ressemble à des choses soul, des souls de l'âme, quoi. C'est bon, j'y arrive pas, ça c'est une autre histoire. C'est dans tous les cas ce que je tente. Après la Callas, une autre voix, autre mythe, mais celui-ci de la rock music, Jim Morrison. Les Doors, un autre regard sur Jim Morrison, une émission de 1991 de Daniel Coe et Sylvain Gire sera la dernière archive de votre programme. Morrison, comme beaucoup d'autres, c'est l'idole sacrifiée sur l'autel du rock'n'roll. C'est la chute de l'ange ou du démon pour certains. C'est la rockstar, membre du club des morts à 27 ans. Est-ce pour cela que vous l'avez choisi ou juste pour le plaisir de sa voix et de la musique des Doors qui a plutôt bien traversé les années? J'ai choisi parce que j'aime. Hein, c'est pas plus compliqué que ça, quoi. Je choisis parce que ça me séduit, parce que je suis touché par la voix, le personnage aussi, et puis c'est ce destin qui l'a conduit à cette mort trop prématurée, quoi. Mais en même temps, c'est comme tout ça, les grands génies, vous voyez, c'est comme ça, Amy Winehouse, c'est comme ça, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, qui était un très bon musicien, Kurt Cobain, Otis Redding, bon, il s'est tué parce qu'il tournait trop, il est parti en avion, lui. Tous ces gens à 27 ans, il y a quand même un truc sur cet âge-là, 27 ans, c'est incroyable, quoi, c'est une horreur, enfin, quelque part, c'est terrible. Mais c'est parce que c'est des génies et que la vie est trop petite pour eux aussi, peut-être. Jean-Pierre Calfon, le jeune homme que vous êtes, continue de chanter et de chanter le rock sur scène. Vous continuez de tourner. Quelle place aura tenu la musique dans votre vie ? Une place prépondérante, elle m'a aidé à vivre, elle m'a aidé à dépasser le roi des pâquerettes, quoi, ce que je veux dire, d'être touché par la poésie des êtres qui savent vous donner d'eux-mêmes le meilleur. C'est de recevoir à travers la musique, recevoir l'âme des grands interprètes. Et sur votre chemin, vous avez croisé pas mal de grands noms de la musique. Oui, Bob Marley, par exemple, aux États-Unis. J'ai joué avec lui toute une nuit. J'ai joué de la basse avec lui toute une nuit dans des improvisations. J'étais très ami aussi avec les New York Dolls. Voilà, bon, c'est à peu près tout. Mais j'ai joué avec beaucoup de musiciens. J'ai fait beaucoup de groupes en France. Tout ça en essayant d'avancer, de chercher. Comment faire sortir de moi le meilleur à travers une musique? Parce que la musique, c'est encore autre chose. Jouer, vous pouvez prendre votre temps, si, cela, jouer plus vite, plus lentement et tout. La musique, non. Là, derrière, il y a le rythme, il y a le phrasé, il y a tout ça. Et c'est à travers tout ça que vous devez essayer de faire passer les choses. La musique est un maître en soi. C'est ça peut-être qui m'a... Attendez, moi j'ai réussi à m'auto-discipliner, parce que je n'aime pas la discipline, je n'aime pas l'autorité, mais j'ai réussi à m'auto-discipliner. Si on veut, la musique est une chose qui vous aide à vous cadrer, quoi, parce que on peut pas déborder, on peut les fausses notes, les ruptures, les trucs à côté de la plaque sur le rythme, et tout ça, ça vous trahit, ça trahit votre impuissance, quoi. Donc la musique petit à petit vous guide, vous construit et vous donne certaines clés, quoi. Jean-Pierre Calfon, nous nous retrouverons dans plus de 2h30, juste avant la fin de votre nuit rêvée, après avoir écouté Entretien avec Jacques Rivette à propos de la religieuse à Cannes en 1966, Roger Blin dans cette fauteuil d'avant-garde de Jean Pagé en 1972, le premier des 5 entretiens avec Alain Cuny par Fernand Schulman en 1976, Archives d'un mélomane, Maria Callas, Le refus des concessions, le premier des 2 carnets de notes que Laetitia Leguet consacrait à la diva en 2000, et enfin Opus, Les Doors, un autre regard sur Jim Morrison, une émission proposée par Daniel Coe et Sylvain Gire en 1991. Jean-Pierre Calfon, votre nuit rêvée se poursuit sur France Culture.